stressés, entreprises inondées, clients impatients, assureurs indécis, un appel personnel, pas le temps, l'épouse angoissée et mise en attente, son quotidien est une suite de tâches domestiques, d'obligations conjugales, rangement, ménage, achat, institut de beauté, ses rêves encadrés. Famille. Communication cassée, solitaire, à brûler, des amis indispensables, un secret corrosif, la mort en elle, elle ravale ses larmes aussi difficilement qu'elle avala jadis le sperme de son oncle.